Ici Alexandre de Rome, Bruno Mongrain, Maltais. Je vous invite personnellement tous les mardis à 23h sur les ondes de CKRL 89,1 FM pour l'émission Le Vraiment Grand Radio Journal. C'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer. Vous non plus, j'en suis sûr. Le vendredi 24 octobre 2008, c'est un rendez-vous à l'Impérial pour la 7e édition des soirées bénéfices Jeunes musiciens du monde. Cette année, Joran, Carquois, Xavier Caféine, Zibulon, Florence K, Jamil, Alexandre Désilet, Monica Frère, Collectivo, Mister Valère et plusieurs autres seront présents à cette fête de solidarité et de musique. Les billets sont disponibles sur le réseau Billettech ou au www.jeunesmusiciensdumonde.org. Découvrir en radio CKRL 89.1. Bonsoir et bienvenue à Web Music. C'est Simon Roy qui va être en votre compagnie pour la prochaine heure. Je vous rappelle que toutes les pièces que vous entendez à l'émission, ben c'est possible de les télécharger gratuitement. Puis il y a aussi l'émission qui est disponible en balado-diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben vous avez juste à vous rendre sur le site de l'émission, puis vous pouvez télécharger l'émission et la réécouter soit sur votre ordinateur, sur votre lecteur MP3. Donc pour ça, ben il faut se rendre sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous avez toutes les ressources qu'il vous faut sur le site de l'émission. Cette semaine, on va entendre un peu de hip-hop pour commencer, un peu de hip-hop expérimental. Puis, en deuxième partie d'émission, ben, on va écouter un peu de dub, du très bon dub français que j'ai découvert tout juste aujourd'hui. Donc, on va débuter avec le groupe Locotes, qui vient d'Argentine, qui font un peu de rap expérimental. Cette fois-ci, c'est un mix de Nirvana, la pièce Lim Grunge Smells Like Teen Spirit. Donc, c'est un remix de tout ça, façon rap. Vous allez voir, c'est assez spécial. On débute avec ça, c'est Locotes, la pièce Nirvana versus Locotes. En un mundo que parece no parar, donde nadie se detiene a respirar, donde el tiempo desató su dictadura y ni siquiera es suficiente ir a gran velocidad. Somos sombras que recorren la ciudad, condenados a una eterna búsqueda, seducidos por la luz de la pantalla que nos avasalla con irrealidad. El hombre se comporta como automata y en medio de la carrera la muerte nos arrebata. El hombre se comporta como automata y en medio de la carrera. La crisis de la posmodernidad, contagiados por la enfermedad social, donde la libertad parece la locura de aquellos que se aventuran a vivirla de verdad. Yo me resisto a la pobreza existencial, concentrado en el progreso espiritual, a destiempo con el ritmo de este orden por seguir fiel a mí mismo y así no me va tan mal. Yo describo estos paisajes en papel, desconfío del mensaje en el cartel. No tengo piel con la voluntad del hombre, sigo estando disconforme, veo mierda por doquier. Con la sed que resiste aún de pie, refugiado en los cuarteles de mi bien. Por no perder la ilusión, por no dejar de creer, por no ceder ante la regla de este juego cruel. El hombre se comporta como automata y en la mitad. We'll be right back. a todos igual nos llega. No, ni hablar. Mientras se me agrietan los ojos por no llorar. El hombre se comporta como autómata. El hombre se comporta como autómata. El hombre se comporta como autómata. El hombre se comporta como autómata. El hombre se comporta como autómata. Une version assez originale de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, c'était par le groupe Locotes, un groupe qui nous vient de l'Argentine. On poursuit avec encore un peu de musique un peu à tendance hip-hop, mais pas vraiment. En tout cas, vous allez voir, j'ai des artistes sur l'étiquette hongroise Buda Beats, une étiquette qui vient de Budapest. Je vais débuter avec Crookham, un artiste des Pays-Bas. Je vous fais passer deux pièces sur son album 19/76. On va débuter avec la pièce Hostile. Ça va être suivi par la pièce Beagles. Et enfin, on va entendre un autre artiste qui vient de la Hongrie cette fois-ci, qui s'appelle Is a Diva. On va entendre sa pièce No Fun, No Fun. Pour tout de suite, Crookham avec la pièce Hostile. You know what, mister? You're hostile. You just don't belong. Nice of you to let me hang around. Last night there was another double killing, which appears to be the work of the person who news media have dubbed the vigilante. Madame New York, two men. Il commissario di polizia sta per iniziare una conferenza stampa sull'uccisione di sé. Quando era su conferenza poliziale, tra di New York vigilante, ma vigilante. See the commissioner now as he walks. Ochoa is in charge of the police investigation. Hostile. Hostile. Thank you. Save your smile for another day. C'était Easy A Divat à l'émission CKRL sur les ondes de CKRL, la pièce No Fun, No Fun, un artiste qui nous vient de la Hongrie. Avant ça, c'était la pièce Bagels et la pièce Hostile, tous deux sur l'album 19/76. C'est par l'artiste Crocam qui nous vient des Pays-Bas. Tous ces artistes-là étaient sur, ou plutôt sont sur l'étiquette Buddha Beats, une étiquette qui nous vient de la Hongrie. On poursuit avec un peu de musique. Cette fois-ci, on se déplace vers le Portugal, l'étiquette Phonotactics. Je vous en fais souvent jouer, excusez-moi, à l'émission. J'adore cette étiquette. Donc, Phonotactics, je vais poursuivre avec Burgess qui vient du Venezuela. Je vous fais passer deux pièces qui sont sur son album Back to the Game. On va débuter avec Run Forest, puis ça va être suivi par Cha-Cha-Cha. Ensuite de ça, ben sur l'étiquette Bedroom Research, je vous fais entendre Tep, sa pièce Petrol Blues. Pour tout de suite, Burgess avec Run Forest. We'll be right back.

sur l'étiquette Pincette, c'est l'artiste COTF, la pièce Trip in Ghost Town. Donc, Pincette, une étiquette ukrainienne. On poursuit encore avec d'autres dubs, puis je vous rappelle qu'il faut vraiment mettre ça fort pour avoir le plein effet. On va écouter un peu de dub français cette fois-ci. Je vous fais passer des artistes qui sont sur l'étiquette Al Dente Records, une étiquette française. Donc, on va débuter avec Sushi Dread, la pièce Dabba Dub, puis c'est suivi par Barfi Steppa, deux pièces qui sont sur l'album Dub Territories. Sushi Dread qui viennent de Douvres, la Délivrande, donc on salue les gens du coin. Puis ensuite de ça, on va entendre Tsunami Waza Hari, la pièce Insub. Pour tout de suite, Sushi Dreads avec la pièce Dabba Dub. Même si aujourd'hui ils occupent le monde du palais, même si aujourd'hui ils sont des pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances. Thank you. De La Rochelle en France, c'était Tsunami, Waza Hari, la pièce In Sub. Avant ça, c'était deux pièces sur l'album Dub Territories de l'artiste Sushi Dread. Donc, on avait entendu Barfi Steppa, c'était précédé par Daba Dub. Tous des artistes qui sont sur l'étiquette française Al Dante Records. On va mettre la dernière pièce de l'émission Web Musique. C'est encore un peu de dub, encore par un français, mais je ne sais pas de où exactement. Le groupe s'appelle Upwellings. Je vous fais passer la pièce Or This. Thank you.